بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قلنا بالأمس إن الرجل إن تيمم وصلى ثم وجد الماء يلزمه استعمال الماء ولا يلزمه إعادة الصلاة. Nous avons dit hier que l'individu, s'il fait le tayammum, parce qu'il n'a pas trouvé d'eau, puis qu'il accomplit la prière, et qu'après avoir accompli la prière, il trouve de l'eau, alors il lui est donc imposé le fait de faire ses ablutions. Mais il ne refait pas la salat. Il ne refait pas la salat. Et « Wadalilu dhalika ma akhrajahu Abu Daoud fi sunani » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا. Et donc la preuve de cela est le hadith qui a été cité par Abu Daoud dans son recueil selon Abi Sa'id al-Khudri رضي الله عنه qui dit que deux hommes sont partis en voyage. Et l'heure de la prière arriva, mais ils n'avaient pas d'eau. Alors ils ont tous les deux fait le tayammum, avec un sa'id pur. Puis ils ont trouvé de l'eau. Thumma wajadama. Et donc ils ont trouvé de l'eau. Fil wakti. Ils ont trouvé de l'eau alors que c'était toujours l'heure de la prière. Ils ont prié. Ils restent encore dans le temps de la prière et ils trouvent de l'eau. فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُدُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرِ. Et donc l'un d'entre eux a refait la prière et les ablutions. Mais l'autre n'a pas refait la prière. L'autre ne l'a pas refait. ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ أَصَبْتَ السُنَّةِ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ. وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. Et donc, puis ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils l'ont informé de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui n'a pas refait sa salat, il lui a dit, tu as atteint la sunnah. Ton acte est en accord avec la sunnah et ta prière te suffit. Ta prière, ta prière te suffit. Elle est valide. Et il a dit à celui qui a refait la salat, il lui a dit, lekal ajru marratayn. Tu as la récompense deux fois. Fahadha al-hadith sarihun fi adami wujubi i'adati salat wala wajad al-ma'a fi waqti salat. Et donc ce hadith est une preuve claire montrant le fait qu'il n'est pas imposé de refaire la salat même si on est encore dans le temps de la prière lorsqu'on trouve de l'eau. ثم قال المصنف عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. Et ensuite l'auteur il nous dit, donc le hadith d'après selon Ammar ibn Yasir radiallahu anhu, qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé en voyage pour une raison quelconque. Je fus pris de janaba. Et donc, il fut en état de janaba. Et je n'ai pas trouvé d'eau. Je me suis alors roulé dans la terre. As-sa'id, donc ce qu'il y avait sur le sol. Je me suis alors roulé sur le sol de la même façon que les animaux se roulent sur le sol. Ici, donc, ce compagnon, Ammar ibn Yasser, il pensait que le roussel, c'était comme pour... Il pensait que le tayammum, c'est comme pour le roussel. Il faut que la terre parvienne à tous les membres du corps, comme pour le roussel. Alors, solution, se rouler dans la terre comme les animaux y font. Ensuite, j'ai tenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam informé de cela. Et il a dit, certes, il t'était suffisant de faire avec tes deux mains comme cela. Et il a frappé, فَدَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدًا. Il a frappé le sol avec ses deux mains, une fois. Puis il a passé sa main gauche sur la droite. Puis, ظَهِرَ كَفَيْهِ. Et donc, ظَهِرَ كَفَيْهِ, il a donc ensuite passé sur l'extérieur des deux mains. Et après cela, son visage. يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ التَّيَمُّمْ طَهَارَةٌ مِنَ الْجَنَابَةِ كَمَا أَنَّهُ طَهَارَةٌ مِنَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ. Et donc, premièrement, on peut tirer de ce hadith, comme on l'a vu hier, dans le hadith précédent, que le tayammum est une purification pour la janaba, de la même façon que c'est une purification pour le fait de perdre les petites ablutions, pour le wudu. C'est une purification pour les deux, les petites ablutions ou el janaba. Et souvent, des gens, ils se disent, bon, allez, tayammum, on va étudier tayammum aujourd'hui, mais bon, on n'en a pas trop besoin parce qu'on est quand même dans un pays où il y a beaucoup d'eau, machallah, il y a des robinets partout. Il faut se préparer. Tu sais pas, un jour, tu peux partir en voyage, tu sais pas ce qui t'arrive. Tu te retrouves dans une situation où tu dois faire tayammum. Comment faire? Est-ce que je dois me rouler sur le sol? Comment faire? Souvent, on va souvent mépriser ce genre de sujet, se dire, mais c'est bon, il y a de l'eau partout aujourd'hui. Alhamdulillah. Non. Apprends. Vaut mieux apprendre aujourd'hui que de se retrouver dans une situation délicate plus tard. وَكَذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَصْفُ التَّيَمُّمُ. Et aussi, on peut tirer de ce hadith la description du tayammum. أَوَّلًا أَنَّ التَّيَمُّمُ بضربة واحدة وهو مذهب الإمام أحمد. Premièrement, c'est que le tayammum se fait en mettant la main sur le sol une fois. Une fois. Et ceci est l'avis de l'Imam Ahmed. Ceci est l'avis de l'Imam Ahmed, rahimahullah. ذهب الإمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك إلى ضربتين. Il a anna tayammum darbatayn. L'imam al-Shafi'i, l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa, rahimahumullah, ils voient que pour le tayammum, il faut frapper le sol deux fois avec les mains. Il faut frapper le sol deux fois avec les mains. Daliluhum, ma akhrajahu ad-Darqutni, an ibn Umar radiallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, at-tayammumu darbatani. Darbatun lil wajhi, afwan, naam, darbatun lil wajhi, wa darbatun lil yedain ila al mirfaqain. Leur preuve est le hadith donc de Abdullah ibn Omar rapporté par Ad-Darqutni, dans lequel Abdullah ibn Omar il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le tayammum se fait en deux frappes. Le fait de frapper le sol deux fois. Une fois pour le visage et une fois pour les mains jusqu'au coude. Une fois pour les mains jusqu'au coude. وهذا الحديث ضعيف في إسناده علي ابن ضبيان ابن هلال وهو ضعيف جدا. Ce hadith il est faible car il y a dans sa chaîne de transmission Ali ibn Dhabyan ibn Hilal, et cet homme est très faible. Qala anhu Abu Hatim matruk. Abu Hatim a dit de lui matruk. Matruk, ce qui veut dire qu'il est délaissé. Et ça, c'est une très lourde critique chez les savants du hadith. Si un savant du hadith il dit d'une personne matruk, c'est une très lourde critique. إذن الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنابلة أن التيمم يكون بضربة واحدة كما هو موجود في حديث عمار. Et donc l'avis le plus juste concernant ce sujet est que le tayammum se fait en frappant le sol une fois, comme nous le constatons dans le hadith de Ammar qu'on étudie aujourd'hui. مسألة أخرى هي في حد ما يمسح. Un autre sujet toujours dans le tayammum, la description du tayammum, c'est Donc la délimitation de ce qui doit être frotté. Il y a dans ce sujet trois avis concernant la main. El qawlul awwal, premier avis, yumsahu al-yadayn ou tumsahu al-yadayn ma'a al-mirfaqayn wa huwa madhhab Abi Hanifa wa Ash-Shafi'i wa al-mashhur min madhhab Malik. Et donc le premier avis, c'est que nous devons frotter les deux mains avec, donc jusqu'au coude, les deux mains avec les avant-bras jusqu'au coude. Ça, c'est le premier avis. C'est l'avis de Abu Hanifa, Shafi'i, et c'est l'avis le plus connu de l'imam Malik, ou du moins de El Malikiya. El Qawlu Thani, donc on retient bien. El Qawlu Thani, Mashul Kaffi Fakat, wa huwa madhhabul Hanabila. Le deuxième avis, c'est le fait de passer sur les mains seulement, les mains jusqu'au poignet. Et ça, c'est l'avis de l'école Hanbalite. Donc pour l'instant, deux avis. Le premier avis, l'avis de l'Jumhur, les mains jusqu'au coude. Deuxième avis, l'avis de l'Hanabila, les mains jusqu'au poignet. Al-Qawlu Thalith. أن مسح الكفين فرض ويستحب مسح المرفق ويستحب المسح إلى المرفقين وهذا القول منسوب إلى الإمام مالك. Le troisième avis, c'est que ce qui est obligatoire, c'est de laver les mains jusqu'au poignet. Al-wajib, al-fard, c'est ce qui est obligatoire, les mains jusqu'au poignet. Mais qu'il est recommandé, mustahab, de laver jusqu'au coude. Ça, c'est recommandé. Le dernier avis, excusez-moi, cet avis, c'est l'avis qui est attribué à l'imam Malik. El qawlur rabi', le dernier avis, an al-fard ila al-manakib. C'est qu'il est obligatoire de passer jusqu'à l'épaule. Jusqu'à l'épaule. Et donc tu fais tayammum et tu passes jusqu'à l'épaule. ونسبه ابن عبد البر الى ابن شهاب الزهري في الاستذكار. Ibn Abd al-Barr, le grand savant maliki, Ibn Abd al-Barr, il a attribué cet avis à Ibn Shihab al-Zuhri dans son livre Al-Istidhkar. Wa hadha al-qawl huwa adhaf al-aqwal. Et cet avis est l'avis le plus faible. اشهر الاقوال هو قول الجمهور وقول الحنابلة. Les avis les plus répandus, les plus connus dans cette divergence sont les avis de Al-Jumhur, la majorité des savants, et les avis de Al-Hanabila. Donc l'avis de la majorité et l'avis de des savants de l'école Hanbalite. C'est quoi? Les mains jusqu'au coude. Ça c'est pour qui? Al-Jumhur. Et Al-Hanabila c'est? Jusqu'au poignet. Non, Fakot. Al-Wajib, ça c'est Al-Mansoub de l'imam Malik. Ok, et donc, ça y est. Et donc, vu que ce sont les deux avis les plus connus, on va rester, nous, sur les deux avis les plus connus. On ne va pas voir les quatre avis, parce qu'après, ça va devenir un peu long. On reste sur les deux avis les plus connus, les plus forts, on va dire. Mais où est Sadab al-Khilaf ? Quelle est la cause de la divergence ? Sadab al-Khilaf, itlaqu ismi al-yadi fi al-lughati al-arabiyya على الكف فقط وعلى الكف والذراع وعلى الكف والذراع والعبد. La cause de la divergence, c'est que dans la langue arabe, le mot el-yed, ça veut dire quoi? La main. Le mot el-yed, on l'utilise pour la main jusqu'au poignet, mais on l'utilise aussi pour la main jusqu'au coude. Mais on peut utiliser aussi pour la main jusqu'aux épaules. Et donc la divergence, elle est à cause du fait que la main, on peut l'utiliser pour ces trois raisons dans la langue arabe. Fadalil al-Jumhur. Quelle est la preuve de al-Jumhur? Qawlullahi ta'ala famsahu biwujuhikum wa aydikum. Alors, frottez donc vos visages et vos mains. Frottez donc vos visages et vos mains. قالوا المراد باليد هنا إلى المرفقين. Ils disent ce qui est voulu par la main ici, اليد, c'est la main jusqu'au coude. Pourquoi? لأن الله عز وجل قال في الآية الأخرى إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. Ils disent parce que dans un autre verset, Allah il dit, dans le sens rapproché des versets, lorsque vous vous levez pour accomplir la prière, alors lavez vos mains jusqu'au coude. Ils disaient donc ce qui est voulu par les mains ici, c'est jusqu'au coude aussi. De la même façon que ce qui est voulu par les mains là-bas, c'est jusqu'au coude, ils disent dans ce verset-là, ici aussi, ce qui est voulu par les mains, c'est jusqu'au coude. Ma huwa jawab al-Hanabila. Les savants du madhhab Hanbali, ils ont répondu à cela. Fa ajabu ala dhalika bi annahu dhukirat al-yad fi al-Qur'an aydan bi ma'na al-kaff faqat. Ils disent que la main al-yad a été aussi citée dans le Coran et que la signification c'était que la main jusqu'au poignet. Dans quel verset? La main citée dans le Coran et la signification, c'est jusqu'au poignet. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقُطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. Le voleur et la voleuse, alors coupez leurs mains. أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُرَادِ الْكَفِ فَقَطْ. Ils ont dit que ils sont unanimes, les savants sont unanimes sur le fait que ce qui est voulu dans ce verset, c'est la main jusqu'au poignet seulement. Ils sont unanimes. Ils disent donc, vu que ici, c'est la main jusqu'au poignet, et donc, là aussi, ça peut être la main jusqu'au poignet. Il n'y a pas de mal à ce qu'on cite la main, elle y aide dans le Coran, et que ce qui soit voulu, c'est la main jusqu'au poignet. وَاسْتَدَلُّ أَيْدًا أي الْجُمْهُورِ الْجُمْهُورِ اِسْتَدَلُّ أَيْدًا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ سَابِقًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. Et donc Al-Jumhur, ils se sont aussi appuyés sur le hadith qu'on a cité précédemment, le hadith d'Abdullah ibn Omar, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le tayammum se fait en frappant deux fois, une fois pour le visage et une fois pour les deux mains jusqu'au coude. وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْحَدِيثِ ضَعِيفِ. Et on vous a dit précédemment que le hadith est faible. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la chaîne de transmission? Ayo, Ali ibn Dabyan. وَهُوَ مَتْرُوكِ. Et donc il est délaissé. طَيِّبْ وَاسْتَدَلُّ بِأَحَدِيثِ أُخَرَ كُلُّهَا ضَعِيفَ. Ils se sont aussi appuyés sur d'autres hadiths qui sont tous faibles. Je vous ai ici cité leurs preuves, leurs arguments les plus lourds. فَالْرَاجِحُ فِي الْمَسْأَلَةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَابِلَةِ كَمَا هُوَ فِي حَدِيثِ عَمَّارِ فِي الصَّحِيحَيْنِ. Et donc, l'avis le plus juste dans le sujet, c'est l'avis donc, de l'école Hanbalite s'appuyant sur le hadith d'Ammar qui est dans Sahihayn, le recueil de Bukhari et Muslim, qui est donc, comme on a cité plusieurs fois, le plus haut degré d'authenticité dans la science du hadith. Et le hadith de Ammar qu'on étudie aujourd'hui, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Ammar, certes, il te suffisait de faire avec tes mains comme cela. Puis il a frappé le sol avec ses mains. Darbatan wahidatan. Une fois. Il a frappé le sol avec ses mains une fois. Et ça, c'est dans As-Sahihayn. طيب فبقي لنا مسألة في هذا الحديث وهي الترتيب ونؤجلها إلى غد إن شاء الله. Il nous reste donc un sujet à voir dans ce hadith qu'on retarde à demain, et c'est le sujet du tartib, l'ordre. Est-ce qu'on fait le visage avant les mains ou les mains avant le visage? Quel est l'ordre dans le tayammum? On verra ça demain إن شاء الله. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.